Il ne partit pas avec les autres. Hussonné non plus. Il devait s'en retourner dans la voiture. Et l'Américaine attendait au bas du perron, car Arnoux descendit dans le jardin pour cueillir des roses. Puis, le bouquet étant lié avec un fil, comme les tiges dépassaient inégalement, il fouilla dans sa poche, pleine de papiers, en prit un au hasard, les enveloppa, consolida son œuvre avec une forte épingle et l'offrit à sa femme avec une certaine émotion. « Tiens, ma chérie, excuse-moi de t'avoir oublié. » Mais elle poussa un petit cri. L'épingle, sottement mise, l'avait blessée et elle remonta dans sa chambre. On l'attendit près d'un quart d'heure. Enfin, elle reparut, enleva Marthe, se jeta dans la voiture. « Et ton bouquet ?» dit Arnoux. « Non, non, ce n'est pas la peine. » Frédéric courait pour l'aller prendre. Elle lui cria « Je n'en veux pas !» Mais il l'apporta bientôt, disant qu'il venait de le remettre dans l'enveloppe, car il avait trouvé les fleurs à terre. Elle les enfonça dans le tablier de cuir, contre le siège, et l'on partit. Frédéric, assis près d'elle, remarqua qu'elle tremblait horriblement. Puis, quand on eut passé le pont, comme Arnoux tournait à gauche, « Mais non, tu te trompes, par là, à droite !» Elle semblait irritée. Tout la gênait. Enfin, Marthe ayant fermé les yeux, elle tira le bouquet et le lança par la portière, puis saisit au bras Frédéric en lui faisant signe avec l'autre main de n'en jamais parler. Ensuite, elle appliqua son mouchoir contre ses lèvres et ne bougea plus. Les deux autres, sur le siège, causaient imprimerie, abonnés. Arnoux, qui conduisait sans attention, se perdit au milieu du bois de Boulogne. Alors, on s'enfonça dans le petit chemin. Le cheval marchait au pas, les branches des arbres frôlaient la capote. Frédéric n'apercevait de Madame Arnoux que ses deux yeux, dans l'ombre. Marthe s'était allongée sur elle et lui soutenait la tête. « Elle vous fatigue ?» dit sa mère. Il répondit « Non, oh non !» De lents tourbillons de poussière se levaient. On traversait Auteuil. Toutes les maisons étaient closes. Un réverbère, çà et là, éclairait l'angle d'un mur, puis on rentrait dans les ténèbres. Une fois, il s'aperçut qu'elle pleurait. Était-ce un remords? Un désir? Quoi donc? Ce chagrin, qu'il ne savait pas, l'intéressait comme une chose personnelle. Maintenant, il y avait entre eux un lien nouveau, une espèce de complicité. Et il lui dit, de la voix la plus caressante qu'il put, « Vous souffrez ?»« Oui, un peu, » reprit-elle.